Nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons en même temps les frères qui sont en ligne. Nous vous invitons à vous tenir debout pour la prière. Et pour la lecture de la parole de Dieu. Seigneur, merci pour une journée passée dans ta présence. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, exauce chaque prière qui t'a été adressée aujourd'hui. Parce que toi, tu as dit, tout ce que nous vous demanderons dans notre prière, tu le feras. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Ses frères et ses sœurs qui ont abandonné leurs activités pour venir se consacrer, c'est parce que dans leur vie, ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de ton aide. Seigneur, quand tu béniras les autres, ne les oublie pas. Bénis ton serviteur que tu as utilisé pour conduire la prière. Maintenant, nous t'invitons encore une fois de plus. Selon ta promesse, tu as dit, ils seront tous enseignés de Dieu. Par le Saint-Esprit, vient le faire. Au nom de Jésus-Christ. Nous te prions ainsi. Amen. Amen. Jean chapitre 14. Yohano, sur la qui a commis. Jean chapitre 14, Yohano, kuminaine, verset 15. Mustaria kia kuminatano. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Kama munanipenda, muchunge maombi yangu. Et moi je prierai le Père. Nami tamumba baba. Et il vous donnera un autre consolateur. Na atimipatia mufariji mwingine. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Usudi apate kubakia na mwe kwa lote. L'esprit de vérité. Oh, ya kweli. Que le monde ne peut recevoir. Ile dunia haiwezi kupokea. Aucun inconverti. Akuna ata mutu moyo la shamini. Aucune personne non repentie, aucun incrédule ne peut jamais recevoir le Saint-Esprit. Parce qu'il ne les voit point. Et il ne les connaît point. Mais vous les connaissez. Car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Vous pouvez vous asseoir. Dans Jean 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, Mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Je pense aujourd'hui nous allons clôturer avec cette question qui a été posée pour savoir quelle est l'évidence du Saint-Esprit. Quels sont les signes qui prouvent qu'on a réellement le Saint-Esprit, même si on l'a reçu sans sensation? Nous vous avons dit hier, en répondant à cette question, que la présence du Saint-Esprit dans le croyant engendre une très grande soif de la sainteté dans le croyant. Nous vous avons encore ajouté une autre chose, que le Saint-Esprit comme un véritable créateur engendre un amour profond, l'amour de Dieu et l'amour fraternel dans le croyant. Toi-même, tu peux mesurer l'amour que vous avez envers Dieu et cette affection que vous avez envers les frères et les sœurs. Parce que la Bible dit, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu tout en haïssant votre frère que vous voyez. Vous mentez. Comment pouvez-vous aimer Dieu que vous ne connaissez, que vous n'avez jamais vu, pendant que vous haïssez votre frère ou votre soeur que vous voyez? C'est un signe qui prouve que vous n'aimez pas le Seigneur et que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Parce que le véritable Saint-Esprit lui-même, c'est l'amour. Il ne peut pas habiter en vous et avoir d'autres manifestations contraires à son esprit, à sa nature. Non, bien aimé, frère et soeur. Beaucoup de gens disent qu'ils ont l'amour, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ou les autres disent, ils ont le Saint-Esprit, mais ils n'ont pas l'amour. Cela est faux, c'est un mensonge. Quand tu vois de la haine, de l'indifférence envers les frères, envers les sœurs, envers l'église, envers la parole, envers Dieu, comprenez que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans le croyant engendre la soif et la faim de la prière. La prière de celui qui a le Saint-Esprit est automatique. C'est une vie. Ça fait partie de sa vie. Il aime prier. Ça veut moi vérifier. Maintenant, toi-même, tu dois vérifier. Depuis que tu prétendais avoir le Saint-Esprit, est-ce que prier c'est forcé chez toi? Ah, maombi iko automatique. Ou la prière est spontanée? Maombi unaombaka ni paka exhortation inakuya? Est-ce que toi kumimbari, tu après c'est mal exhortation de la ni maisha tu ile ambao uko nayo? C'est une vie que tu as. Alors, t'as dû accoucher, là, tu sauras que tu as le Saint-Esprit ou pas. Voyez bien, mes frères. Voyez, Ndouku, voyez, Dada. Voyez bien, mes soeurs. Non, non. Pendo, Dada. quand vous n'avez pas une vie de prière, wakati hauna na maisha ya maombi, c'est un signe qu'il n'est pas là. Alama ikunonesha kusema Roho Mtakatifu haina. Sababu kama Roho Mtakatifu kwangu, il aime prier. Inapendaka kila wakati kuomba. Mu mambo yote ya maisha ya Mkristo, dans toutes choses dans Roho Mtakatifu eko na msukuma kuomba. Le Saint-Esprit le poussera. Ata eko musalama. Même lorsqu'il est en paix. Kama yeye mwenyewe anaona sema rada ya kujombea. Il n'a pas à prier. Ataombea kanisa. Il cherchera à prier. Ataombea mahubiri. Il va prier pour le prédicateur. Ataombea wanduku yake. Il va prier pour le frère. Ataombea batata yake. Il va prier pour ses sœurs. Ataombea magumu. Il priera même le difficulté. Il est konaona ndana wanduku yake na batata. Il est en train d'observer parmi le frère et les sœurs. Kama shione. Si lui ne voit pas les wanduku yake. Parmi le frère et sœurs. Ataombea wapagano. Il priera même pour le païen. Tu vas pas te kuya kwa Christ. Pour que le païen puisse venir à Christ, puisse croire. Ataomba. Il va prier. Tu vas avoir une jema. La bonne nouvelle. Yubirio kwa nguvu. Être prêché à l'efficacité. Et que les âmes soient sauvées. Lèvres que Jésus-Christ a coupé à la croix puissent avoir de la valeur. Si lui a déjà reçu le Saint-Esprit, et il voit que les gens dans l'église, il y a des frères, il y a des sœurs qui n'ont pas le Saint-Esprit. C'est son travail de prier pour ce Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit qui a reçu habite en lui. C'est pour travailler. Oui, bien-aimé frère. Maintenant, toi-même, tu dois t'examiner. Comment bien quoi on embarque? Si réellement tu as une vie de prière, la prière c'est seulement avant de manger. La prière c'est avant de dormir. Et c'est fini. C'est faux. Ni bon. C'est le formalisme. Il est ni mambo tu as inje inje. Donc il est Rome takatif qu'on a yonake comment tu kuombe. Le Saint-Esprit que vous avez ne voit pas les gens pour qui tu peux prier. Il n'en a qu'à pas bukari. Ça voit seulement le foufou. Il n'en a qu'à pas bushingishi. Avant de dormir les sommeils. Parce que tu n'engopa ambaba patwa kuingira kunyumba. Parce que tu as peur qu'on puisse percer ta maison. Ah au pale pawe kuenda ku musafari. Avant de voyager. Il n'en a qu'à pas accident. Parce que tu vois toujours les accidents. Le problème de frères et de sœurs, ton Saint-Esprit ne voit pas. Le faiblesse se trouve dans l'église, ton Saint-Esprit ne sait pas voir. La maladie de frères et de sœurs, ton Saint-Esprit ne voit pas dans l'église. Ceux qui sont dans des hôpitaux, ton Saint-Esprit ne voit pas. Le faible dans l'église, qui est en toi, ne voit pas ses faiblesses dans l'église. Les frères qui sont dans des difficultés, ton Saint-Esprit ne voit jamais. Non, frère. À part Nandoukou. La prière. Maombi. C'est même un ministère du Saint-Esprit. Nayo, ni Oduma, moi, et Arom Takatif. Dans la Bible ici, c'est parce que nous n'avons pas le temps. Il y avait des frères et des sœurs. Même autant de frères Branham, leur travail, c'était seulement pour prier pour les prédicateurs, afin que Dieu les utilise d'une manière puissante pour que les œuvres du Seigneur se glorifient dans son église, pour que les âmes soient sauvées. Pour que les malades soient guéris, que Dieu réponde à la prière de ses serviteurs. Voyez frère, voyez sœur, pas une prière catholique. Aina maombi catholique apana. Où vous lisez les psaumes? Où le onasoma mazaburi? Et vous appelez cela prière? Non, c'est assez maombi. Non. Apana. À chaque moment, kukila wakati, donc à chaque circonstance de la vie, voilà, pa kila mambo ya à maisha, chaque situation, kukila itaji, comme le Saint-Esprit lui-même est une onction, ça veut dire, Rome takatif yo nyeni upako, il vous voit de sa puissance ikuna mipako na uwezo yake, et il vous donne le discernement na, anakupatia kutambua kwa roho, et vous éclaire na, anemiangazia. C'est que toi tu dois prier. Njoo leo unapashi kuomba. sur les problèmes sur lesquels tu dois prier. Il y a les prière. Et chaque circonstance a sa prière. Il y a des frères qui sont affligés. Il y a des sœurs Badada et des frères dont leur mari, les frères dont leurs femmes sont insoumises, les frères qui des sœurs qui ont des maris méchants. Mais quand toi tu vois ça avec le Saint-Esprit, qu'est-ce que le Saint-Esprit l'a fait? Vous voyez? Et pourtant les gens disent ils ont le Saint-Esprit. Ya pobatu na seven na Rome takatifu. Parce que quand je cani le Rome takatifu ripata iko na tunique. Et quel est le travail que le Saint-Esprit a trouvé? Parce que tu as été rempli du Saint-Esprit. Ça va pourijazo na Rome takatifu. Tu as été rempli de ce de cet esprit de service. Il est roi à kazi. Ne ju utumikie Mungu servir na utumikie kanisa. Et servir l'église. Ju ya kui perfectionner kui édifier. Afin d'édifier kujenga wala kupeleka mukaminifu. C'est vrai, frère. Vous êtes un vase qui a été sanctifié et mis en service par Dieu lui-même. Quand tu vois un frère ou une sœur dans le péché, qu'est-ce que ton Saint-Esprit fait? C'est seulement pour critiquer les gens. Critiquer. Kuzarau, mépriser et critiquer sont des choses différentes. Mépriser, ni kuzarau. Critiquer, ni kushimang. Vous voyez? Non. Donc, ou t'as pas quoi, ou t'as quoi, ou t'as pas qu'un kage, quand on attend dans un an, kajiake, ton travail, ni kushimang, c'est aller critiquer. Ao kajiake, ni kumbeula, ville yé anamu Christ. Comme lui n'est pas chrétien, ville yé éco démon. Lui, c'est un démon. Voyez frère. Non, on a voyez sœur. Non, on a donc le Saint-Esprit en c'est nous. Rome takatif ndanietu. Est un esprit de service. Ni roya kazi. Qui engendre en nous la soif de la prière. Nazala ndanietu kuya maombi. Et qui vous voit. Na enemi pas quoi. Pour vous ouvrir les yeux afin de voir les difficultés que l'Église traverse et vous priez pour ça. C'est vrai frère, l'Église est avec moi. Quand le Saint-Esprit vient en nous, il aime la parole. C'est là où nous sommes arrêtés hier. Regardez ce que dit Psaume 119. Zaburi 119. Oh frère, mikonarom takatifu. Mikonarom takatifu. Mikonarom takatifu. C'est bien. Le muzuri. Rom takatifu yakukinywa. Le Saint-Esprit verbal. Na yamukichwa et intellectuel inachana na Rome takatifu ya kweli kona kwa kuikala ndani ya roho ya Mungu qui habite dans le cœur de l'homme. Psaume 119 Zaburi 119 verset 14 Musaria ya 14. Je me réjouis en suivant tes préceptes. Nikuna furai mukufata maagizo yako comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances. J'ai tes chantiers sous mes yeux. J'ai fait mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Un homme qui a le Saint-Esprit, il écoute la parole de Dieu dans la joie. Celui en qui l'Esprit de Dieu demeure, il a dans son cœur une profonde joie, Daniel, un plaisir et qu'on a fura que que lui-même ne sait pas expliquer. Ile yemunye ashiwezi kufasiria wala kuambia watu. Quand il écoute la parole. Mwakati ekunashikia sauti ya Mungu. Ile furaha ya kushikia neno la Mungu. La joie d'écouter la parole de Dieu. Le Dieu ikona musukuma. C'est celle qui le pousse. Avuye rakaraka kukanisa. De venir rapidement à l'église. Juu ya kushikia mahubiri. Afin d'écouter la prédication. Et David disait. Na Daud anaanza kusema. Je suis dans la joie. Niko na furaha. Quand on me dit. Wakati tu baninyambia. Allons à la maison de l'Éternel. Twende kunyumba ya Mungu. Le Saint-Esprit sait que. Roho Mtakatifu inajua. Magumu yote ya mtu. Ya kusema toutes les difficultés de l'homme. Consolation yake yote. Sa consolation. Magumu yote ya mtu. Toutes les difficultés de l'homme. Na consolation ya mtu. Et même la consolation de l'homme. Iko na pata solution. Trouve la solution. Muwepo ya Mungu. Dans la présence de Dieu. Na Roho Mtakatifu anayua ndani ya mwaminifu ya kusema jienajike par sa parole. Mungu anatendaka paka kupitia neno lake. Parce que sa parole est puissante. Neno lake iko na uwezo. Elle est créatrice. Na umbaka. Dieu crée. Mungu anakaa sa parole kupitia neno lake na kupitia roho yake. Quand je vais écouter. Na pale mitenda la parole de Dieu sous l'inspiration de l'esprit. Je le sais vrai. Tout ce dont j'ai besoin. Malade, je serai guéri. Affamé, je serai rassasié. Abattu, je serai fortifié. Nu, je serai vêtu. Sans argent, le Seigneur ne me donnera l'argent. Sans travail, il me donnera l'argent. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Il est à la joie. Il se réjouit d'entendre la parole. Et quand il écoute la parole, il a le plaisir. Il a du plaisir à écouter la parole. Parce que pour lui, c'est un grand trésor. C'est vrai. Il a tout à la parole. C'est vrai, frère. Même s'il a un démon qui le dérange. Quand il va dans la parole. Il va devant la parole. Il sait que la parole va chasser les démons qui le dérangent. Et le Saint-Esprit, par la voix de la parole, va créer en moi la vie de Christ. Alors, je suis dans la joie pour aller à l'église et je suis dans la joie d'écouter la parole de Dieu. Le Saint-Esprit le sait. Après le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, avant ça, quand on kanisa, quand le temps d'aller à l'église arrive, on a provoqué ma cage. Tu commences à provoquer des activités. Société, lorsque tu es dans l'entreprise, tu cherches les heures supplémentaires. Tu es dans la maison. Si tu es dans la maison, c'est ça, c'est mon malade. Tu vas mettre tout un tas des habits à kufula. À lessiver. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Quand tu viens dans l'église, quand tu es au Kanisa, où qu'on a l'âge, tu es en train de somnoler. Tes pensées sont ailleurs. À part la frère, tu n'as pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut jamais dormir quand le Saint-Esprit parle. Parce que la profondeur, c'est lui qui parle du haut de la chair. C'est celui qui est en vous. Et il veut se nourrir de ce qui vient de la chair. Attends là, Dieu. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui mange en dormant? Non, frère. Vous écoutez la parole de Dieu avec des pensées ailleurs. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit, tu ne l'as pas. Maintenant, comment est-ce que tu l'as réussi? C'est vrai, dans Psaume 119. Zaboure 119. Regarde, verset 161 à 162. Des princes me persécutent sans cause. Mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Je me réjouis de ta parole comme celui qui a trouvé, comme celui qui trouve un grand butin. Comme celui qui trouve un grand butin. Dans le verset 127. C'est pourquoi j'aime tes commandements. Plus que l'or et l'or fin. C'est pourquoi je trouve juste toutes tes ordonnances. J'ai voix de mensonge. Oui, bien-aimé frère. Oui, bien-aimé sœur. Le Saint-Esprit se nourrit de la parole. Le Saint-Esprit grandit avec la parole. Le Saint-Esprit se fortifie dans la parole. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma sœur. Quand il vient en toi, wakati anakuwa ndani yako, il amène une révolution contre le péché. Eko naleta utombozi kuzambi. C'est pourquoi vous voyez ici, l'homme de Dieu dit, j'ai toute voix de mensonge. Ninachukia njia yote ya bongo. Wako na Roho Mtakatifu kani? Quel Saint-Esprit? Iko na vumilia bongo. Qui supporte le mensonge? Il a vumilia nzambi. Qui supporte le péché? Apana. Non. Il est Aina Rome Takatifu. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit Rome Takatifu amène une révolution, un réveil spirituel. Inaletaka amsho mkiro. Dans tout votre être. Mubumuntu bakobote. Na munafsi yako. Et dans ton âme. Na mro yako. Dans ton esprit. Na mwili yako. Et dans ton corps. Au supporte bintu bya bongo. Tu supportes. Mais qu'il est où unapenda? Mais c'est que toi tu es dans ton cœur. Mon esprit yako. Na mwili yako. Dans ton corps. Ni paka neno la Mungu. La parole de Dieu. Qui puisse être accompli. C'est tout. Et Dieu s'arrange. Na Mungu enete tangeza yote. Pour vous mettre sous une onction spéciale. Service. Parce que tu aimes sa parole. Ça va pour la peine de nous laquer. Et quand le Saint-Esprit est en vous. Na wakati Roho Mtakatifu ndani yenu. Dans tout ce que tu veux faire. Dans ta vie. Maisha yako. Tu considères la parole de Dieu. Tu considères ce que dit la Bible, la parole de Dieu écrite. Que ce soit mon fête, que ce soit dans la fête, que ce soit mon kirio, que ce soit dans les deuils, que ce soit mon kuvuala, ou même dans l'accoutrement, que ce soit mon kuishi, ou même dans la vie quotidienne. Que ce soit ma relation, même dans des relations que vous voulez entretenir, toutes choses que vous voulez entretenir, le Saint-Esprit a le travail de surveiller et de te conduire selon les écritures bibliques. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Vous vivez. On a ici. Mais dans ta vie, tu ne considères pas ce que disent les Écritures. Lakini maisha yako awangariaki maandiko nasema nini? Cela est faux. Ili ni bongo. Kama muntu yako na Roho Mtakatifu. Lorsque un homme a le Saint-Esprit. Mukila circonstance. En chaque circonstance, mambo yote. Anayu, anayeko natambua. Se egrekone. Neno la wakati. La parole du temps. Pourquoi? Du anime. C'est un arbre qui est planté. Kabu inimuchi. Près d'un courant d'eau. Inesha kuota katikati ya maji. Qui donne des fruits. Na iko natosha. Selon la saison. Kufuatana na wakati. Le Saint-Esprit est toujours présent, permanent. Yo ne karaka paka pali kila wakati. Le Saint-Esprit ne te laisse pas dans les histoires. Rome takatifu haezi kukuacha mumarishi. Et dans l'histoire. Wala mumarishi. Na ile inesha kupitaka. Les choses passées. Il considère la vie présente. Yo unaona ni maisha ya leo leo unangarishisha. Le Saint-Esprit Rome takatifu en vous Danielu, discerne son programme, mapu yake, sa conduite, mwenendo yake, en toute chose. Ubitu biyote. Parce que c'est lui qui te conduit. Sabu ni yenjo na kongoza. Oui, bien aimé frère. Dio ndukumpendo. Oui, bien aimé soeur. Dio darampendo. Beaucoup de gens mentent. Matu wa mingi wuna landa. Écoutez ce que frère Bana me dit. Mushkele ndu Bana mansem. Dans question réponse numéro 3. Maulizo na majibu namba ya 3. Question réponse numéro 3. Maulizo na majibu namba ya 3. À la page 13. Karatasi yake ya 13. Paragraphe 47. Nota yake ya 47. Et vous na mwenye. D'abord là, il parle de la nouvelle naissance. Pana na sema kwanza jua kuzaliwa kwa mara ya pili. Et vous na mwenye. Lorsque vous êtes rempli de l'esprit, wakati mnaisha kujazwa na roho, voici l'un des meilleurs signes que je connaisse. Tazameni mumoja ya maalama ya yulu kabisa najua ya plusieurs signes, mais après qu'on est tourné chez ya muzuri kabisa, il nous montre le meilleur. Voici l'un des meilleurs signes que je connaisse. Mumoja ya maalama ya juu kabisa. Vous aimez tellement Christ. Il est minajua. Nikusema utamupenda sana Kristu. Unapenda aina utamupenda. Vous aimez. Vous aimez tellement Christ. Unapenda sana Kristu. Unamupenda. Et vous croyez. Na unaamini. Chaque parole qu'il dit être la vérité. Kila neno kunasema inyekuwa ukweli. Voilà les signes. Tazameni. Voilà l'un des meilleurs signes. Moya ya maalama ya juka ya mwiju kabisa. Vous aimez tellement Christ. Utapenda sana Kristu, unampenda sana. Vous croyez. Na unaamini. Chaque parole qu'il dit. Kila musemo kwa sema. Est la vérité, voyez-vous. Kwa kweli unaona. C'est là l'évidence. Jo il est kionesho. Que vous possédez le Saint-Esprit. Ya kusema unesha kupata Roho Mtakatifu. C'est là Jo pale l'évidence kionesho pour reconnaître juu ya kutambua sans doute bila shaka que vous avez le Saint-Esprit. Nasema unaisha pata Roho Mtakatifu. Si vous m'aimez, kama unipenda, gardez mes commandements, chunge maamri yangu. Celui qui aime Dieu ule anampenda Mungu. Ne tri pas dans la parole. Aikarake mukuchakula muneno la Mungu. Ule kuna Roho Mtakatifu. Celui qui a le Saint-Esprit. Ashonake muneno la Mungu akusema. Et lui ne trouve pas dans la parole de Dieu. Il y a mafaka zaidi. Ça c'est plus important. Mais il y a iko na mafaka kidogo. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Non. Apane. Même une virgule de la parole ata nukta moya muneno la Mungu est importante. Ya mafa. Voyez bien mes frères. Le Saint-Esprit dans le cœur du croyant. Roho Mtakatifu ndani ya moyo. Ne néglige rien de la parole de Dieu. Kitu ata kimoya kuneno la Mungu. Kama tu ni neno la Mungu. Il s'agit de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu n'a pas de négligence. Aikaraki na sula. Et votre vie na maisha yenu est pleine de joie. Inesha kuyala na furaha. Oh là là! Oh là là! Plus rien n'est comme avant. Akuna, vous voyez? Akuna tena kitu kusa zamani. C'est ça le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Quelqu'un a le Saint-Esprit. Wakati mtu na Roho Mtakatifu. Il aime tellement Christ. Anampenda zaidi Kristu. Et chaque parole. et croire à chaque parole de Dieu. Vous voyez, il est plein de joie. Comment on avait maïsha yake ya hapa sasa. Sa vie actuelle. Lorsqu'il a réussi l'été, comparativement avec son ancienne vie, c'est comme le matin, la nuit, le soir et le matin. Celui qui aime Dieu vit de toute la parole de Dieu. Et qu'on a ici, nous en avons l'autre, la mungu. Il va beaucoup aimer les frères. Vous savez que même les dons. Mon adjo a sata mazawadi. Je ne veux pas aborder dans ce sens-là. Mais je ne veux pas aborder dans ce sens-là. Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est lui qui vient révéler les dons dans l'église. Pour que les dons puissent être vrais dans l'église. Il faut que toute l'église soit dans l'harmonie avec l'Esprit, avec la parole. Dans l'église, Mushiku et Mankunji Nkunji. Tu vas pas, tu vas voir des groupuscules ou bien des sectes dans l'église. Mushiku et Bantu Bakusemiana Bibaya Bengine Kwa Bengine. Tu vas voir les gens qui critiquent les uns les autres dans l'église. Mukou et Tupaka. Ma prendo. Tu vas t'y avoir rien que là. Mukou et Paka. Umoja. L'unité. L'unité. Umoja. Voyez. Que les gens soient dans le même sentiment. Bakou et Mounia Moya. Et les gens. Nani Amoya Bote. Dans le même sentiment. Nikuya Sawa Christ. Être comme Christ. C'est ce qui les préoccupe. Dieu, il est quand Dieu voit. La profondeur de l'amour. De Dieu. Et de l'amour fraternel. Et de l'harmonie. Entre membres, alors la puissance du Saint-Esprit dans les dons va se révéler. Vous voyez bien mes frères, et les dons se manifesteront, les signes se manifesteront. C'est comme je l'avais dit autrefois. Le frère qui reçoit le Saint-Esprit. Mais ils n'ont aucun don de service. Mais la kini abana na zawadi tamoya kazi. Mungu kona kupatia Roho Mtakatifu. Dieu te donne le Saint-Esprit. Aina juu yako wewe peke. C'est pas pour toi seul. Le sali il t'a déjà accordé. Il est niyako. Ça t'appartient. Il t'avait donné le salut. Avec la vie éternelle. Depuis qu'il t'a mais c'est la Rome t'a dit qu'on a bouillé. Et mettre maintenant au service pour édifier les autres. Afin que Ujenge Bengine. Ça, c'est la Rome t'a dit qu'on a bouillé. Le Saint-Esprit n'a pas de travail. Tu n'as pas. Quand le Saint-Esprit vient, il doit vous révéler le travail que tu dois exercer dans le corps pour édifier le corps. On n'a pas de travail, tu n'as aucun don. Tu as le don du Saint-Esprit, mais on n'a pas de travail. Tu n'as aucun fruit. Auna na tunda ta moya. Tu n'as ni don ni fruit. Auna na zawadi na matunda ya auna. Ni bia bongo. Ça c'est faux. Voyez ouais, frère. Unaona nduku. Ni bia bongo sana. C'est très faux. Tu l'as pas. Auna nayo. Ule awe kwa mtumishi wa Mungu. Ule d'être serviteur de Dieu. Mais we uko mtumishi wa Shetani. Mais toi tu es ouvrier de Satan. Olé que Dieu puisse t'utiliser. Mais oui, ni Shetan, ni Dieu Shetan, ni c'est le diable maintenant qui est en train de t'utiliser. Au lieu d'être esclave du Saint-Esprit, quoi, mais toi tu es esclave du diable. Oui, on a qu'à Moutoumo à Shetan. Au lieu de porter les fruits de Dieu, paris, mais toi tu portes les fruits de Satan. Oui, Matunda à Shetan, il y en a Zartosha. Oui, frère. On a c'est là il faut. Il est le mambo à Bongo. Vous ne l'avez pas? Amuna nayo. Parce que c'est un esprit de service. Sababu ni ro ya kazi. Si wikalembele we mwenyewe unekala. Peut t'asseoir. Mon conscience ya kasi. Dans ta conscience. Depuis ni lipata karo mtakatifu. Depuis que j'avais reçu mon Saint-Esprit. Ni kaji kani. Il est Roho Mtakatifu ananipachia na kazi kani miko natumika mwile kazi kanisa iko naoneamu. Quel est le travail que le Saint-Esprit m'a donné et qu'est-ce que j'ai fait pour que l'église puisse en tirer profit? Même ma bintu bilamba ala papagano aba beko nabio. Même les choses que le païen ont. Pas la nature humaine. Vitia toi s'il y a bat. Mais toi tu n'en as pas. Ouais, on en a. Maintenant, le Saint-Esprit est là pourquoi? Tu ne sais même pas partager. Tu n'as même pas un petit don de libéralité. Même pour visiter tout le monde. Aller visiter seulement le malade. Pour visiter tout le monde. On doit t'estimuler ou t'exhorter. Il est Rome Takatifu qu'on a eu qu'on a caché. Le Saint-Esprit qui est là, que le son travail. Lorsque un homme a le Saint-Esprit, l'une des dons du Saint-Esprit et le fruit du Saint-Esprit, il n'a pas ce panda kabisa konekana. Il faut exceller. A les dons de prière, la sœur ici, a les dons de visiter les gens, à la sœur ici, qui dans l'église, il y a deux, si vous ne le voyez pas, cela veut dire qu'il est mal, il n'est pas là. Vous voyez bien mes frères, mais ouais, tu ne fais rien. Maintenant, Mouma cinq ministères. Dans les cinq ministères, Mouma, Tano, tu n'as pas. Mouima don Guinengine. Le neuf dons de l'esprit. Aounanaya Kiro. Me manifester. Ata kone kanisha. Le fruit de l'esprit. Matunda Aro, tu n'as pas ça. Depuis que tu as le Saint-Esprit. Tangia ou Pokero. Même les plus petits dons. Ata Kazawadi Kaloko. De parler en langue, tu n'as jamais parlé en langue. Même si tu n'as pas parlé en langue. Ataka mawasema muluga. Même les petits dons. Ataka zawadi kaloko. Les petits dons. D'interprétation. Tu n'en as pas. Tafsiri. Tu n'as jamais fait cela. Auyafanyaka koini. Quand on parle du Saint-Esprit, wakati asema ouais, ni ma histoire. Toi, ni maarishi, ce sont tu n'as rien derrière elle. Auna na kebe akweri mu maisha yako hata kimoya. Ni wenjo kuna wajia. Tu es en train d'imaginer seulement. Non, ni pas les minutes de tes mecs. C'est lorsque j'avais frissonné un peu dans l'église. C'est de l'onction. Et quoi, tu nous parles? Parce que quand l'onction vient, wakati upako na shuka, tu peux être amené. Mais le Saint-Esprit, Jésus-Christ demeure avec sa vie en vous. Anakuwa kuikala na maisha yake ndani yako. Et avec ses fruits. Na matunda yake. On ne vous demande pas. Dieu ne vous demande Mungu pas. Ashkulombe, ma fruit yote. Tu produis tous les fruits. Il parle de il y a des fruits de ta part. Comme nous sommes un corps. Qui a plusieurs membres. Pour que ingine. La main ne peut pas faire tout le travail. Le pied ne fera pas tout le travail. Les yeux ne feront pas tout le travail. Ou la langue ne fera pas tout le travail. Les oreilles ne feront pas tout le travail. Lorsque tu es dans le corps de Jésus, le Saint-Esprit te dira que toi tu es les oreilles. Tu es l'oreille dans l'église. Le Saint-Esprit te dira, toi tu es l'œil dans l'église. Ou tu es la langue. Ou tu es le pied. Ou tu es le cou. Mais maintenant, ça, toi tu as eu le Saint-Esprit, tu n'as ni don, tu n'as ni fruit. Auna tunda. C'est bien bon. Ça c'est faux. Non, Saint-Esprit yangu ya kufuchama, ni bia bongo. Caché, kama Saint-Esprit nakuya si le Saint-Esprit arrive, il ne se cache pas. La vie de Christ, Christ est publique dans chaque croyant. Saint-Esprit yafuchama. Rome takatifu ne se cache jamais. Avez-vous déjà vu une fille qui a des seins qui cache ça derrière pour que les gens ne voient pas? Avez-vous déjà vu un homme qui fait pousser la barbe de la cacher? C'est la vie qui est en elle, Nimaisha, en lui, il est condamné qui se révèle. Dieu kunonekana. Kama anengia, ataishi mwenye maisha yake. Lorsque le Saint-Esprit entre, il va vivre sa propre vie. Ni maisha kani? C'est quelle vie? Ni maisha une ya vie neno lote la Mungu. La parole de Dieu. Oui, bien aimé frère. Dio, dukumpendwa. Même les fruits de l'esprit. Ata matundaro. Vont se révéler. Itanza konikana. Galates chapitre 6. Galatia chapitre 5. Galatia 5. Regardez. Galates chapitre 5. Galatia 5. Verset 22. Mais le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Matundaro. C'est l'amour. Imapendo. La joie. Fura. La paix. La patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Mais quand les gens te regardent, tu ne sais pas te maîtriser. Quand on a un chocosa, lorsque on te taquine ses mains, tout le paganisme va s'étaler de l'extérieur. On a un rhum takatif. Tu n'as pas? On en aïe. Patience à una. Tu n'as pas ou vous mêlez vous. Même quand on t'exhorte. Attaque à la foi, tu n'en as pas. Imani à una. Quand on te voit. Tu n'as pas de joie. La joie du Saint-Esprit ne dépend pas des biens matériels terrestres. C'est la voix qui est attachée au salut, aux choses spirituelles, surnaturelles. Ça ne dépend pas de ma vase, de ma nyumba, de ma cage, des maisons ou des activités que nous faisons. Le Saint-Esprit ne se soucie pas plus des choses terrestres. Ce qui les rend joyeux, c'est pas parce que le Saint-Esprit sait que vous avez déjà tout reçu de la part du Seigneur. Même la maladie ne t'attriste pas. Vous voyez, frère, même si tu es malade, si le Saint-Esprit habite en vous, tu diras que Dieu va te guérir. Et tu es déjà guéri. Parce que par ses maîtresses, tu es déjà guéri. Et là, cela te rend joyeux. Il est là pour te faire un magonjo. Je recevrai toute chose à l'ère de Dieu ou au temps de Dieu. Et j'attends la réponse de Dieu en silence. Vous voyez bien, mes frères. Le Saint-Esprit, il sait même supporter la souffrance. Pas juste pour un petit. On a dit, tu vas t'endetter au point que tu ne sauras même pas honorer tes dettes. Non, frère. Panandoku. Non, ma soeur. Panadada. Le Saint-Esprit te dira. La vie que tu veux emboîter. Ce n'est pas la vie de Christ. Ce n'est pas la vie de Christ. Parce que La promesse est que quand le Saint-Esprit vient, il vous conduira dans toute la vérité. Dans votre marche, toi tu es derrière et le Saint-Esprit est devant. Lui, ton enseignant, ton cadreur, il te dit ça, tu vas faire, ça tu vas faire. Ça va t'aider dans la foi. Ça va te faire tomber dans la foi. Et ça, Dieu n'aime pas. C'est un enseignant. Un conducteur et un enseignant. Vous voyez, frère. Maintenant, regarde maintenant la façon dont tu te conduis avec ton Saint-Esprit. Vous voyez, frère. Non, Nandouk. Ajoute et dit dans question réponse numéro 2 parlant toujours de la parole et de l'évidence du Saint-Esprit. Question réponse numéro 2 paragraphe 44 50 il n'y a aucune évidence du Saint-Esprit que je connaisse. Et c'est une foi véritable dans la parole promise de l'air. Vous voyez, Munaona. Quand la parole de Dieu vous est apportée, wakati banemuhubiri wameletea sauti ya Mungu. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, reçoit la nourriture au temps propice. Inapokeaka chakula wakati ya kufaa. Cela signifie quoi? Ile maana yake nini? Quand le Saint-Esprit, wakati Roho Mtakatifu, inspire notre ancien, inamsukuma mzee wetu. Il prend livre de Corinthiens, livre de correction. Corinto, kitabu ya le Saint-Esprit sait que c'est le temps maintenant de la correction. Rum takatifu ndani yako inajua kusema hii wakati ni ya kunyonyolosha sasa. Et le Saint-Esprit na Rum takatifu est prêt à manger. Iko tayari. Cette nourriture. Ya kumeza ile chakula yote. Pour bonne santé. Juu ipate afya njema. Quand le Saint-Esprit inspire un autre prédicateur, mungine, kusema, un temps de décision, wakati ya kubeba mupango, le Saint-Esprit sait voilà la nourriture. Rome takatifu anasema injo chakula ya hii wakati. Vous voyez? Munaona? Mwile neno Rome takatifu ana inspiré. Non, c'est que le Saint-Esprit a kufanya mwimani à faire dans la foi de chaque croyant. Le Saint-Esprit recevra toutes les instructions qui sont attachées à la décision. Yenye kuambatana na mupango. Le Saint-Esprit inspire encore. Il prend un autre sujet. Que ce soit une parole de promesse, que ce soit de l'évangile, que ce soit la parole prophétique, parce que le Saint-Esprit lui, il grandit avec plusieurs vitamines. Moi, vitamine, dans l'évangile, enseignement, dans moi, vitamine, ma foudiche, mon vitamine, mon prophétie, dans ma vitamine, moi, on habille, y'a comme un saïdi, y'a, et des accueillis, mout, moukamili, fondali à Christ. D'être un homme parfait en Christ. Oui, bien aimé frère. Non, Nandouk. À chaque saison, kukila wakati, il y a un message kuko ujumbe qui est approprié pour vous donner la force de marcher. Yenye kuya ya ile wakati njoo ya kukupatia nguvu ya kutembea. Chaque jour, kila siku, que les portes s'ouvrent, hii milango wakati inafunguka, une parole du jour, neno moya ya ile siku. Oui, bien, mes frères. Non, non, c'est comme dans l'Ancien Testament. Zakale, chaque jour, kila shiku, y avait la manne. Kurukuaka man, irianza kuangukaka. Et les gens devaient manger cette manne du jour. Na bantu bari pasi kuria ile mani inaanguka ile. Voyez frère. Unaona nduku. Voyez sœur. Unaona dada. Qui la chiku? Chaque jour. Mikonenda. Je pars. Upoke a chakula. Recevoir la chiku. La nourriture du jour. Afin d'avoir la force de continuer la marche. Ile bukari rukura jana. La nourriture que tu avais mangée hier. C'est pour hier. Je descends encore plus bas. Minashuka tena. Bukari bwajana ni bwajana. Le bukari que tu as mangé hier. Ulikupatia nguvu juu upate kuishi siku ya leo. Ça vous a donné la force de vivre aujourd'hui. Mais bukari bwa leo. Mais ce que tu vas manger aujourd'hui. Ça va te permettre d'enfronter encore la journée de demain. Et la foule de bukari de demain. Ça te donnera la force de vivre après demain. Chaque jour. Vous avez une portion de la nourriture. Vous maintenez dans la vie. Yahweh ubakie na nguvu ya buzima. C'est comme ça que ça se passe spirituellement. Na mukiro kufanyika. Aller à l'église chaque jour. Nous venons à l'église chaque jour. Recevoir la nourriture afin de nous accorder la force ya kuendelea. Frère, Duku. Frère Banama dit. Tu ne peux jamais être un chrétien vertueux si tu t'absentes à l'église, tu es toujours absent de l'église. Tu ne peux jamais être un chrétien ou une chrétienne vertueuse. Non, tu ne peux pas l'être. Tu es toujours absent de l'église. Quand Zambi Kaloko, on anguka. Comme un Kaloko, on anguka un problème pour tomber dans la parole de Dieu. Tu es un homme faible. Uko tumutu muzaifu. Uko na kwa shorkor spirituel. Unaisha kupata buse bamkiro. À chaque instant, kila wakati, tu tombes. Unanguka. Tu n'avances pas. Au lieu de reculer, tu régresses. Ya kuendelea kumbele uko narudia kumkongo. Kila shiku, chaque jour, kuko chakula ya shiku, ya une nourriture du kuko jour, maubiri ya shiku, ya la prédication du jour. Hata kama jana ulikula bukari, même si hier tu avais mangé bukari, mwa leo, yakula ya leo, jour d'aujourd'hui, jana kukula kambutete, hier tu avais mangé peut-être, kana ongezeka pa bukari, ile ulikula ya jana, unakula bukari kambutete. Avec tes légumes, demain, tu mangeras avec le feu de patate, tu cuisines avec le feu de manioc, et après, tu cuisines avec le poisson, tu cuisines fumé, tu cuisines la viande, un autre jour, vous voyez, les poissons. Et un autre jour, vous allez manger le bukari avec la tomate. Tu n'as rien perdu. À opoté chez qui est tout. Ça te garde en bonne santé. Yuko na kuchunga tumwa afya njema. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Il met sa foi. Unaweka imani. Dans la parole de l'heure. Du moment. Ya ile wakati. Vous voyez? Non. Ici, j'aime un peu éclairer quelque chose ici. Apa, napenda kuangazia ici, aina mambo ya kusema. Il n'est pas question. Nous croyons le message. Ah, ce n'est pas ça. Nous tous ici, nous croyons. N'est-ce pas? Qui ne croit pas au message du frère? Le message du jour. Le message biblique que tu t'as donné. Qui ne croit pas ici le message? Qui ne croit pas dans cette église le message du temps de la fin? Nous tous nous croyons à ça. Mais à ce qui concerne le marche chrétien, c'est découvrir la nourriture que vous recevez chaque jour. Ah, pour votre marche de foi. Et le Saint-Esprit sait que la parole que vous recevez chaque jour va vous perfectionner dans la foi jusqu'au retour du Seigneur. Vous grandir dans la foi jusqu'à la perfection. Pourquoi l'église primitive adorait tous les jours? Aujourd'hui nous sommes devenus des rétrogrades. Aujourd'hui On a des jours où on n'adore pas. Tu na ile mashiko atukua kanisa tu abudaki. Mais l'église, ma kanisa, tu connaissais l'important de l'important de la parole. Il a chiku ya ma, il Mungu aliumba, que Dieu a créé. Il y avait une parole appropriée. Même quand nous avons cru, c'est comme ça. Au début là, c'est comme ça. Aujourd'hui, on a rétrogradé. Leo, tunaanza kurudia ako nyuma. Voyez frère. Unaona. Voyez sœur. Unaona dada. Ima shiku mishitenda ku kanisa. C'est dans un temps, je ne parle pas à l'église. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Ah, on a Rome takatif. Muntu akuya ku kanisa kona trier mashiku ana na Rome takatif. Quelqu'un qui vient à l'église en triant le jour, il n'a pas le Saint-Esprit. C'est vrai frère. Ya kweli ndugu. Il est la parole au temps présent. Nineno, nous paragraphe, oui, wakati, ah, paragraphe 149. Paragraphe 49. Jésus est la parole au temps présent. Yesu, nineno, wakati, ah, sasa. La même chose se répète. Il est kitu mama, ki na hudiria. Lorsque Dieu vous révèle cela, pale Mungu anakufunulia hili, et que vous voyez l'insigne du Seigneur, na munaona hivi Bwana anasema, et que vous l'acceptez, na munamuichika, c'est ça. Le Saint-Esprit, l'évidence du Saint-Esprit. Quand Dieu utilise ses serviteurs, et que toi vous découvrez, il y a un c'est vrai. Yakwe. Non pas ce que vous étiez. Aina kile murukuyaka. Ou ce que vous êtes. Voilà kile muiko. Ni rien à ce sujet. Voilà kitu kingine mambo. Mais c'est ce que Dieu fait. Ni kile Mungu pour vous aujourd'hui. Yenu leo, c'est ça l'évidence. Yo kionesho. Vous voyez frère. Non, non. Ma signe à Rome Takatifu. L'évidence. Il y a connaissance qu'on a Rome Takatifu. Il y en a plusieurs. Vous devez mener une vie. Mon appâche quoi na maïcha. Moule en bas Christ et qu'on a onekana. Là où Christ se manifeste. Vous devez reconnaître la conduite du Saint-Esprit. La façon dont les gens conduisent cette église. Vous acceptez volontiers la conduite du Saint-Esprit pour vous ici à Kambo. Vous voyez bien mes frères. Et quand un message est donné, ça c'est la parole. Il a révélé même les buts pour lesquels il a inspiré son serviteur à porter ce message-là. Vous voyez frère, sœur. Lorsque le Saint-Esprit vient, découvrez que vous l'avez. Rome Takatifu est la kupacha nguvu. Yahweh kuwina. Yahweh kutawala maisha yote ya nzambi. Et dominer toute vie de péché. Mu maisha yako. Dans ta vie. Awezi kusema mina shindwa. Je suis incapable. Tu n'as rien d'incapable. L'église est avec moi. Kanisa tu pas moi. Kama Roho Mtakatifu iko ndani yako. Le Saint-Esprit habite en vous. Iko nakupatia ushindi pa kila maisha. Le Saint-Esprit vous donne la victoire sur toutes choses de la vie dans ce monde. Sur chaque démon qui vient en il vous pour te tenter. Mona, sur chaque mauvaise habitude, un mauvais caractère, une mauvaise nature qui est en vous, quand il est là, il est le maître. Minaomba sana, assez prié, tu n'as pas le Saint-Esprit. J'ai lutté avec toutes choses, mais il reste tout simplement, c'est mal le vol. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Il n'y a rien. Saint-Esprit n'a rien. Il vient habiter dans son cœur, c'est pour lui donner la force. Passe toute la vie du péché. Et avec toute chose qui était kinyuma, avec la parole de Dieu. Ouais, frère. Mina kombana sana. J'ai beaucoup lité. Mais vraiment, paka kabwa wa mina shindo. Bongo. Rom takatifa shindo paka kabwa wa. Donc, le Saint-Esprit ne peut jamais échouer de commérage. Ça n'existe pas. Aikara kieku. Ça n'existera jamais. Ayakuyaka. Le Saint-Esprit est le Tout-Puissant. Rom takatifu ni wawezo yote. C'est un esprit. Hero. Vivifiant. Inaletaka uzima. Frère, Doku. Tout ça, quand même, je suis obéissant. Toutes ces choses, je suis obéissant. Le reste, tout ce qui je fais, mais moi, c'est seulement quand je veux payer la dîme, ça devient très difficile. Tu n'en as pas. Tu n'en as pas. Le Saint-Esprit ne peut pas être capable de vivre sa parole. Le Saint-Esprit dans un croyant ne saura jamais être vaincu par le péché et le démon. Il ne peut être vaincu. Lui, c'est un vainqueur. Il est un Sasa wewe mwenye angara maisha yako. Mina toi-même regarde. Qu'est-ce qui donne? Kama nina kutawala, d'accord. Si c'est la parole ndio. Mais kama ni mademo iko kutawala. Si ce sont les démons, c'est les péchés. Comprenez que ce n'est pas. Ndio akwa. Ce n'est pas lui. Aina ye. Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. Vous voyez frère. Non andoku. Vous voyez sœur. Non adada. Uko na Roho Mtakatifu. Tu as le Saint-Esprit. Uko na hypocrisie. Tu as de l'hypocrisie ou na fiki. Ni Roho Mtakatifu cha wapi? C'est quel Saint-Esprit? Parce qu'il vient, il habite en vous pour chasser toutes les saletés du monde. Wapi unekala ndani yenu njoo kufukusha mabuchafu bote wa dunia. C'est pourquoi Jésus l'a dit. Je commande Yesu alisema. Vous les reconnaîtrez. Mote wa tambua. À leurs fruits. Matunda yao. Quels sont ces fruits? Matunda kani. Ce sont les fruits de la parole de vérité. Ya neno la ukweli. Maintenant, regardez la vie que vous avez. Angaria ile maisha kunayo. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Mungu amibariki jo imangaribi. C'est vrai, frère. Ya kweli ndugu. Dans Paul prisonnier de Christ. Mumaubiri Paulo mfungwa wa Kristo. Je termine avec ça. Na penda kumaliza na hii. Écoutez comment frère Banamé dit. Mushike vile ndugu Banamé ansema. À la page 7. Katasi ya kiasaba. Ne jugez jamais votre vie. Apana kukumu kamwe maisha yako. D'après, ne jugez jamais votre vie. Apana kukumu maisha yako. D'après la puissance que vous avez de faire les miracles. Kufatana na ile uwezo kunayo ya kufanya miujiza. Ni d'après votre connaissance de la parole. Wala kufatana na ile ufamu kunayo ya neno. Mais regardez en arrière. Lakini angaria kumkongo wako. Et faites l'inventaire. Na angarishisha. Des fruits que vous que porte votre vie actuellement. Matunda ile kunatosha maisha yako hapa sasa. Regardez en arrière. Angaria kumkongo. Et faites l'inventaire. Na ufanye hesabu. Des fruits que porte votre vie actuellement. Ya matunda ile maisha yako kunatosha leo hapa sasa. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Alors maintenant, si vous l'avez reçu sans sensation. Sakama ulipokea bila uchamuko. Alors observez votre vie. Angarishisha maisha yako sasa. Le reste Dieu vous enseignera. Ibingine Mungu wewe mwenyewe atemfundisha. Nous invitons le prédicateur. Malika, le président des cultes. Amen.